إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 17. Donc je m'étais trompé dans le sur la radio, j'ai écrit 14, mais c'est le cours 17 aujourd'hui dans l'explication de la aqida des deux Razi. La aqida des deux Razi, Abu Hatim Ar-Razi et Abu Zur'a Ar-Razi, qui sont Ar-Raziyan, les deux Razi, deux grands imams parmi les imams des Salaf al-Salih, Ridwanallahi alayhim, et avec le sharh de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui s'intitule Qurratul Aynayn bitawdih ma'ani aqidat al-Raziyan. Et on est dans le point numéro 12, est-ce que c'est le point numéro 12 ou 13 aujourd'hui? Hein, c'est Ash-Shafa'a, donc c'est le point numéro 12. Et on a commencé à parler de ce point-là au dernier cours, c'est à propos de l'intercession au jour de la résurrection, et ça fait partie des éléments qui distinguent Ahlus Sunnati wal Jama'a des groupes de bid'ah qui ont dévié sur ce sujet-là. Parmi les groupes qui ont dévié à ce sujet, les Khawarij et les Mu'tazila. Hein? Et yani, ils considèrent, eux, que depuis que quelqu'un a commis un grand péché, il va être en enfer pour l'éternité, il ne va jamais sortir de l'enfer. Hein? Tandis que les gens de la Sunna, eh bien, eux, ils affirment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans les hadiths authentiques, du fait que les gens qui ont commis des grands péchés, du moment que ce n'est pas un shirk ou un kufr majeur, eh bien, ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer, et qu'ils vont sortir de l'enfer selon la foi qu'ils avaient, le degré de foi qu'ils avaient. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour les pécheurs de la Ummah, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui ordonner de faire sortir de l'enfer celui qui avait même une atome de foi dans son cœur. C'est la preuve que la foi, elle augmente et qu'elle diminue. Qu'elle peut être aussi grande qu'une montagne et qu'elle peut être aussi petite que, yani moindre que la graine, hein, ou que la tombe même, ou que la graine de blé, ou la graine d'orge, ou même, yani, une atome de foi. Et donc, on continue donc avec l'explication, et là, le cheikh, il énumère les différentes catégories de shafa'a, les différentes shafa'at. Les différentes catégories d'intercession qui vont avoir lieu au jour de la résurrection. Et donc, le Cheikh dit: Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam lahu shafa'at. Lahu sallallahu alayhi wa sallam al-hazz al-azim min hadhihi shafa'at. Shafa'atun la yusharikuhu fiha ahad. Donc, il dit le Cheikh que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a une des plus grandes parts dans ces intercessions-là. C'est-à-dire qu'il a certaines intercessions dans lesquelles personne ne va participer avec lui. C'est seulement lui qui va avoir ces intercessions-là. Et parmi ces intercessions, la première, c'est Ash-Shafa'atul Uzma. Ash-Shafa'atul Uzma. c'est-à-dire la grande intercession. Et le cheikh il explique en disant وهي شفاعة في إزاحة الناس من ذلك الموقف العظيم حين يذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة فيتدافعونها حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ويذهب فيخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه بمحامد يلهمه الله إياها في تلك المناسبة ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب. Et donc le cheikh il mentionne qu'est-ce que c'est que cette grande intercession. C'est en fait au jour de la résurrection. On sait que les hommes vont attendre le jugement pendant un jour dont la durée est de 50 000 ans. Et l'attente est longue. Et donc les hommes cherchent quelqu'un pour intercéder pour eux, pour faire en sorte que le jugement commence. Et donc ils vont voir les prophètes un après l'autre pour leur demander d'intercéder en leur faveur. Et chacun des prophètes et des messagers vers qui les hommes vont pour demander d'intercéder, chacun d'entre eux refuse. Chacun d'entre eux mentionne une excuse pour laquelle il ne peut pas intercéder, jusqu'à ce qu'à la fin, il renvoie les hommes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour intercéder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est pour moi. C'est-à-dire, cette intercession, c'est pour moi. Et donc, il va vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et il se prosterne sous le trône. Et il glorifie et fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala par des invocations que Allah subhanahu wa ta'ala va lui inspirer à ce moment-là en particulier. Et on va lui dire, ô Muhammad, lève ta tête et demande, on te donnera, intercède et tu pourras intercéder. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lever sa tête et il va dire, ô mon Seigneur, ma umma, ô mon Seigneur, ma umma, ô mon Seigneur, ma umma. Fayurihu Allahu an-nas min al-mawqif. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ghayriha min dhalika al-mawqif. ثم يمرون على الصراط فمنهم من يقع في النار ومنهم من يتجاوزه برحمة الله. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ce moment, il va faire en sorte que le jugement commence. Et il va faire en sorte que les hommes soient reposés de cette longue attente. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les autres nations, les autres Ummah, les autres Umam également qui ont attendu pendant cette longue attente. Ensuite, ils vont passer sur le pont qui est dressé sur l'enfer. Et parmi ceux qui vont passer sur l'enfer, sur ce pont, il y en a qui vont tomber dans l'enfer. Et il y en a d'autres qui vont réussir par la miséricorde d'Allah à traverser du premier coup. Et donc, la deuxième intercession, الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. C'est-à-dire, ce sera l'intercession pour faire rentrer ceux qui font partie de ceux qui méritent le paradis, pour les faire rentrer au paradis. Parce que les portes du paradis ne vont pas s'ouvrir tout de suite. Hein? Et donc, le cheikh il dit, إذ الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل كما جاء في الحديث الصحيح آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. C'est-à-dire le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah, c'est le premier des hommes qui va rentrer dans le paradis. Personne ne va rentrer avant lui. Et ça, c'est rapporté dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, dans le Sahih, et il dit, j'arrive à la porte du paradis et je demande qu'on m'ouvre. Alors celui qui est le gardien de la porte va dire, qui es-tu? Et je dis, Mohammed. Alors il va dire, c'est à toi qu'on m'avait ordonné de n'ouvrir à personne d'autre que toi. C'est à toi que j'ai été ordonné d'ouvrir, et à personne d'autre que toi. Donc ça, c'est un autre exemple d'intercession qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a une autre également, shafa'atun khassatun fi ammihi Abi Talib, iz yajiduhu fi a'maqin nar fayashfa'u lahu fayasiru fi dahdahin min an-nar kama warada fi al-hadith huwa fi dahdahin min nar walawla ana lakana fi ad-dark al-asfal min an-nar wa fi hadith akhar أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يلغي منهما دماغه والعياذ بالله وهو أخف الناس عذابا لأنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويحميه ويدافع عنه إلى أن مات ولكن ما وفق للإسلام مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. Donc le cheikh il explique que la troisième intercession, c'est l'intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en particulier pour son oncle Abu Talib, et c'est une intercession qui est particulière pour son oncle Abu Talib, qui fait partie des mouchriquines et des gens qui étaient sur la religion des mouchriquines de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le trouve dans les profondeurs de l'enfer, et il intercède en sa faveur pour qu'il soit mis dans un endroit parmi les endroits de l'enfer où il va être moins châtié. Fi dahdahin min nar. Donc, il dit, si ce n'était pas de moi, il aurait été dans les plus bas fonds de l'enfer. Et dans une autre narration, dans un autre hadith, il dit qu'il sera parmi les habitants de l'enfer celui qui aura le moindre châtiment. Il aura des sandales qui vont lui faire bouillir le cerveau. Allah al-musta'an, wa la'iyadhu billah. Et donc, c'est la personne qui a le moindre des châtiments dans l'enfer. Allah musta'an. Pourquoi? Parce qu'il défendait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il le protégeait jusqu'à sa mort. Mais il n'a pas eu le succès d'accepter l'islam. Il est mort alors qu'il disait, je suis sur la religion de Abdul Muttalib, la religion des mushrikines. الله المستعان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوه ويدعوه إلى أن حضرته الوفاء. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال له أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به أنه على ملة عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني ما منعه إلا الكبر ووحشية العار وخشية العار. Donc le cheikh il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم invitait son oncle Abu Talib, et il l'invitait à l'islam jusqu'à ce que la mort arriva. Et au moment de la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré pour le voir, et il était dans l'état yani avant la mort, et il y avait en sa présence Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, deux parmi les mushrikins. Et Abu Jahl, on sait que c'était un ennemi hein, de l'islam. Tandis qu'Abdullah ibn Abi Umayya, yani les ulama disent qu'il s'est converti par la suite. Mais Abu Jahl, lui, il est resté ennemi de l'islam jusqu'à sa mort. Et donc, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son oncle, « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, dis que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est une parole, hein, si tu l'as dit, je vais pouvoir argumenter auprès d'Allah en ta faveur au jour de la résurrection. » Mais à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, lui, les deux disaient, est-ce que tu vas quitter la religion de ton grand-père, de ton père, Abdul Muttalib? Est-ce que tu vas abandonner la religion de tes ancêtres? Et donc, il continuait à lui parler jusqu'à ce que la dernière parole qu'il a dite, ça a été de dire qu'il est mort sur la religion d'Abdul Muttalib. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu demander pardon pour lui. Il a dit, je vais continuer à demander pardon pour toi jusqu'à ce qu'on me l'interdise. Et c'est par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit dans surat al-Tawbah de demander le pardon pour les mushrikins. Donc ça c'est un exemple. Et qu'est-ce qui a empêché Abdul Muttalib d'accepter la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est la fierté, l'arrogance et aussi la crainte des moqueries et des insultes ou des paroles de qu'est-ce que les gens vont dire. Hein? Et il y a une parole justement qui est attribuée à Abdul Muttalib dans un poème qui est très long. Mais dans ce poème, ça dit, لَقَدْ عَلِمْتُ Il dit, Abdul Muttalib, il dit, Abu Talib, لَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لولا الملامة أو حذار مسبة لا رأيتني سمحا بذاك مبينا. Donc ça c'est le poème en question. Et donc il disait dedans, il disait quoi? Il dit, je sais que la religion de Muhammad c'est la meilleure religion du monde. Et si ce n'était pas la crainte des blâmes de mon peuple et des insultes, tu m'aurais vu reconnaître cela et le dire ouvertement, clairement. Et combien de gens aujourd'hui encore, dans différents peuples, différentes cultures, les gens refusent d'accepter l'islam par fierté, parce qu'ils ont peur de qu'est-ce que leur peuple vont dire, qu'est-ce que leur famille vont dire s'ils acceptent l'islam. Surtout à notre époque, parce que les gens aujourd'hui sont devenus très influençables et très susceptibles, et surtout avec toute la campagne médiatique de propagande contre l'islam, avec qu'est-ce qui se passe dans le monde comme actes de terrorisme qui sont faits par des khawarij, des gens d'égarement au nom de l'islam. Et donc les gens maintenant, ils ont pris l'idée que l'islam c'est une religion de violence, une religion de haine, une religion de destruction. Et donc à cause de ça, eh bien beaucoup de musulmans n'osent même plus appeler à l'islam. Et non seulement ça, même des koufars, aussitôt que tu leur parles de l'islam, c'est comme automatiquement pour eux, c'est comme si c'est devenu une réalité. C'est comme si c'est devenu un fait. L'islam c'est une religion de terreur. L'islam c'est la religion des terroristes. alors que l'islam est innocent de ça et n'a rien à voir avec ça. Mais ceux qui complotent contre l'islam et qui rusent contre l'islam pour faire en sorte que l'islam ait une mauvaise image dans le monde, hein, ils ont fait ce travail pour essayer d'éloigner les gens de la religion de l'islam, mais il n'empêche qu'on doit continuer à appeler à l'islam et à la réalité de la religion, de ce que l'islam enseigne, le tawhid et les fondements de la religion, et Allah subhanahu wa ta'ala va donner toujours la victoire à la vérité. Et encore aujourd'hui, hein, alhamdoulilah, des gens se convertissent et Allah guide les cœurs des hommes à l'islam, malgré toutes les propagandes qu'ils font pour empêcher que les gens se convertissent à l'islam. Des gens continuent à se convertir et à accepter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit, il n'y a rien qui l'a empêché, son oncle, excepté la fierté, l'arrogance ou la crainte de la honte ou de l'insulte. نعوذ بالله من الكبر فمات كافرا وأدخل النار فيشفع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجه من أعماق النار إلى ضحضاح فيها ولا يدخل الجنة لأن الله حرم الجنة على الكافرين لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما في أحاديث أخرى. Donc le cheikh, il explique que on demande à Allah de nous préserver contre l'arrogance et la fierté. Et il dit, donc l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Abu Talib est mort mécréant. Et à cause de ça, il a été mis en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour lui. Et donc il va sortir des profondeurs de l'enfer vers un endroit de l'enfer qui est moins... hein, qui est moins dur comme châtiment. Par contre, il n'entrera jamais au paradis. Parce que le paradis a été interdit aux mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed, hein, et il y a aussi une partie de ce hadith qui est rapportée dans Al-Bukhari et Muslim, qu'il n'y a pas personne qui va rentrer au paradis excepté une âme croyante ou une âme musulmane. ثم بعد ذلك يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره شفاعات أخرى ومن هذه الشفاعات الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار. Donc après ça, il y aura d'autres intercessions pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pour d'autres que lui aussi, parmi les messagers et d'autres parmi les créatures d'Allah qui vont pouvoir intercéder. Et parmi les exemples de ces intercessions-là, le quatrième exemple que le cheikh a cité, c'est l'exemple de l'intercession pour que les pécheurs, parmi les gens du tawhid, puissent sortir de l'enfer. Ceux parmi les gens du tawhid qui ont commis des péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour que ils sortent de l'enfer. Fa yashfa'u Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yasjudu taht al-arsh fa yu'zanu lahu fi aqwamin yahudduhum Allah lahu fa yukhrijuhum min an-nar wa minhum من عنده مثقال دينار من إيمان ومنهم من عنده نصف مثقال دينار ومنهم من عنده مثقال حبة شعير من إيمان ومنهم من عنده مثقال ذرة إلى أدنى من مثقال ذرة من إيمان وكذلك حدد الله للمؤمنين الشافعين في أقوام منهم من يكون عنده مثقال دينار مثقال ذرة مثقال إلى آخره فيشفع فيهم الأنبياء ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكة ثم يقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. Donc le cheikh il explique que pour les pécheurs parmi les mouahidines, il va les faire sortir de l'enfer par l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam, et le messager va intercéder pour faire sortir ces gens-là de l'enfer. Il va se prosterner sous le trône et Allah va lui permettre de faire sortir une limite des gens qui sont en enfer parmi les gens du Tawhid, et ils vont sortir de l'enfer. Parmi eux, ceux qui avaient un poids équivalent à un dinar de foi. Ceux qui avaient un poids équivalent à la moitié d'un dinar de foi. Ceux qui avaient un poids équivalent à une graine de blé ou d'orge de foi. Et ceux qui avaient le poids d'une graine de blé, et ceux qui avaient le poids d'une atome de foi. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir les croyants de l'enfer par l'intercession des intercesseurs. Hein, donc ceux qui avaient un dinar, ceux qui avaient celui qui avait une atome, et donc chacun va intercéder parmi les prophètes, parmi les croyants, parmi les anges, et ainsi de suite. Puis, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors, il va prendre une poignée des gens de l'enfer et il va faire sortir des gens qui n'ont fait aucun bien de l'enfer. Il va en prendre une poignée de l'enfer parmi des gens qui n'ont rien fait de bon. Et le cheikh il dit, هذه رحمة أرحم الراحمين كل هذه الشفاعات ترجع إلى رحمته سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لكن الكفار الذين كذبوه وكذبوا رسله وماتوا على كفرهم هؤلاء لا تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فهؤلاء العصاة أهل الكبائر يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني الشفاعة الأهم هي هذه وإلا هناك شفاعة شاملة لهم ولغيرهم. Donc le cheikh il dit que il y aura, donc ça c'est des exemples de la miséricorde du plus miséricordieux des miséricordieux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et donc toutes les intercessions reviennent à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman ar-Rahim, hein, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais, il dit le cheikh, mais les kuffars qui ont traité Allah de mensonge et qui ont démenti les messagers d'Allah et qui sont morts sur la mécréance, ceux-là, ils ne vont pas être compris dans la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans le verset 156, dans surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma miséricorde a enveloppé toute chose et je l'ai prescrit ou je l'ai écrit pour ceux qui craignent et qui donne la zakat et qui croit en nos signes avec certitude, hein, qui croit en nos signes. Donc ceux-là, ils vont sortir, tandis que les kuffars, eux, ils vont être privés de cette miséricorde, hein, privés de cette miséricorde. Et donc le cheikh il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous couvrir de sa miséricorde. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا برحمته وإن يجعلنا من أهل شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وكلنا محتاجون إلى شفاعته عليه الصلاة والسلام أشدهم حاجة العصاة أهل الكبائر يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث. Donc le cheikh il demande à Allah de nous couvrir de sa miséricorde et de faire de nous des gens de l'intercession de son prophète, c'est-à-dire des gens qui vont mériter et qui vont pouvoir recevoir l'intercession de son prophète alayhi salatu wassalam. Et on a tous besoin de son intercession alayhi salatu wassalam. Et ceux qui en ont le plus besoin sont les pécheurs, les gens qui ont des grands péchés. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit que les gens qui ont des grands péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en leur faveur, puisqu'il a été rapporté dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, qui est un hadith sahih et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani aussi, et qui est rapporté aussi par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres. Il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Mon intercession est pour les gens qui ont fait des grands péchés parmi ma umma, parmi les gens de ma umma. C'est-à-dire que la shafa'a la plus importante, c'est celle-ci. Il y aura d'autres intercessions qui va comprendre ceux-là et d'autres aussi. Mais ça, c'est une intercession très importante. Donc, comme on avait expliqué au dernier cours également, que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre d'intercéder, eh bien il ne faut pas demander l'intercession au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. C'est à Allah seul qu'appartient l'intercession, hein? Et donc on n'a pas le droit de demander l'intercession à quelqu'un, hein, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant par exemple, puisque il est mort, il est dans sa tombe et il ne peut plus nous entendre. Si on lui demande quoi que ce soit, c'est à Allah qu'on doit demander, et non pas à un prophète ou à un homme pieux ou à un saint ou à une tombe, hein. Lorsqu'il était vivant, les sahaba ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être parmi ceux qui vont avoir l'intercession, hein. Et lorsqu'il est vivant, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un. Mais lorsqu'il est dans sa tombe, on ne peut pas dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi que ce soit, lui demander quoi que ce soit, lui faire des du'as, parce que ça c'est du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, au jour de la résurrection, les hommes vont pouvoir lui demander l'intercession, et à ce moment-là ce ne sera pas du shirk, parce qu'il sera présent, il sera là, il pourra entendre et il pourra faire quelque chose. Mais actuellement non, puisqu'il est dans le barzakh, hein? Il est dans le barzakh, il est mort alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, quelqu'un pouvait aller voir quelqu'un pouvait demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, au messager d'Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, hein? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, intercède auprès d'Allah pour nous, hein? Des choses comme ça. Ou bien fait que je sois de ceux qui vont avoir ton intercession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire des invocations pour ses sahaba, il le faisait souvent. Des gens venaient le voir pour lui demander: ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi, demande à Allah pour nous, invoque Allah la pluie pour nous, hein, Et le professeur se faisait des doigts pour les sahaba. Non. Mais après sa mort, les sahaba ne demandaient pas au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre les sahaba n'allait à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander quelque chose. Jamais on a rapporté quoi que ce soit de ce genre. Mais ceux qui font ça, ce sont les gens de bid'a parmi les soufis, hein, qui aiment le shirk et qui prétendent ce genre de choses-là est accepté ou acceptable. Et donc ils imitent les chrétiens qui adorent Jésus. Et ils tombent donc dans le même shirk que le shirk des chrétiens, Allah al-Musta'an. Le cheikh, il dit ensuite, وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أي الشفاعة في أهل المعاصي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أي قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث كان من أشد الناس حرصا على سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حفظه فهو كما يقال حافظ الصحابة يعني اعتنى عناية شديدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحفظها وكما قال يعني أبو هريرة رضي الله عنه هو نفسه كان إخواني من المهاجرين يشغلهم السفق بالأسواق وإخواني الأنصار يشغلهم العمل في أعمالهم أما أنا فقد لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. Et donc le cheikh il explique que l'auteur رحمه الله dans cette section, parce qu'on sait que il explique la aqida, c'est un résumé ici qui est tiré de aqida tous salaf ashab al hadith. Donc il Cheikh Ahmed al-Zahran il a pris cette section de l'autre sharh pour compléter parce qu'il y avait un manque, hein. Et donc il dit la shafa'a pour les gens qui ont fait des péchés, comme c'est mentionné dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, ô messager d'Allah, quelle est la personne qui sera la plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection? Et qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je ne pensais pas que personne d'autre me poserait cette question à propos de ce hadith avant toi. Parce que je vois ton intérêt et tout l'effort que tu donnes pour mémoriser le hadith et pour apprendre le hadith, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Abu Huraira c'était parmi les gens qui avaient le plus d'amour et qui faisaient le plus d'efforts pour entendre les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour les mémoriser, et c'était donc le mémorisateur parmi les sahaba, hafiz al-sahaba. Et donc il donnait à ça une très très très grande importance, à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il la mémorisait. Alors Abu Huraira radiallahu anhu lui-même disait que mes frères parmi les muhajirines ont été distraits ou ont été occupés par le commerce qu'ils faisaient dans les marchés, tandis que mes frères parmi les ansar ont été préoccupés par le travail qu'ils avaient à faire. Ils avaient d'autres tâches, d'autres travaux. Tandis que moi, il dit, je suis resté avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, uniquement pour apprendre, ou mémoriser les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ala mil et batni. C'est-à-dire, à m'en remplir le ventre. C'est-à-dire, à mon plein, Et il a dit, يعني لازمه, c'est-à-dire, il est resté avec lui. لا يريد تجارة ولا زراعة. Il voulait pas faire du commerce. Il voulait pas non plus faire de l'agriculture. يحب سماع الحديث ويرضى بالقليل. Il veut entendre le hadith et il est satisfait de peu. c'est-à-dire d'avoir peu de nourriture, peu d'argent, peu de biens. فحفظ شيئا كثيرا في مدة ثلاث سنوات. Donc en très peu de temps, il a mémorisé. En trois ans, il a mémorisé beaucoup de hadiths. C'est pour ça que Abu Huraira radiallahu anhu, c'est un des sahaba qui a mémorisé parmi يعني, les sahaba le plus de hadiths. Hein, radiallahu anhu. فرأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على الحديث الشيء العجيب. فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث يعني عنده حرص شديد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجابه فقال إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب من قبل نفسه خالصا من قبل نفسه وفي روايات وفي بعض الروايات خالصا من قلبه وهذه تشمل أصناف المؤمنين يعني أهل الإيمان الكامل وأهل الإيمان الناقص من أهل المعاصي فكلهم سعداء بشفاعته صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل شفاعته وأن يرحمنا بواسع رحمته إن ربنا لسميع الدعاء. Donc le cheikh il dit que Abu Huraira رضي الله عنه, donc il avait beaucoup, يعني, faisait beaucoup d'efforts pour apprendre. C'était une chose étonnante comment il aimait mémoriser le hadith. Et il a dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je pensais pas que personne d'autre avant toi allait poser la question à propos de ce hadith, parce que j'ai vu ton intérêt immense pour le hadith. Alors il a dit, en répondant à sa question, la personne qui aura qui sera le plus heureux, les gens qui seront les plus heureux de mon intercession au jour de la résurrection, c'est celui qui a dit La ilaha illallah avec sincérité et pureté venant de lui-même. Et dans une autre narration, avec pureté et sincérité de son cœur. Donc il a dit que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, sincèrement de son cœur. Purement de son cœur, avec ikhlas, avec pureté et sincérité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui va avoir la shafa'a, l'intercession, il doit être sur le tawhid, il doit être sur l'ikhlas. Si c'est quelqu'un qui est sur le shirk, il ne pourra pas avoir cette intercession. Hein? Il ne pourra pas l'avoir. Donc, celui qui demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'intercession, eh bien, il ne fera pas partie des gens du tawhid puisqu'il commet le shirk. Donc, tu ne peux pas avoir l'intercession en commettant du shirk. Et Allah al-Musta'an. Et donc, le cheikh explique que ça comprend donc toutes les catégories de croyants, les gens qui ont une foi complète ou les gens qui ont une foi qui est diminuée parmi les gens qui ont commis des péchés. Ils seront tous heureux de recevoir l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il termine en disant, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous parmi des gens de son intercession, et qu'il nous fasse miséricorde d'une miséricorde immense et large. Et notre Seigneur est certes audient, il entend l'invocation. Donc je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. En temps normal, on fait un cours un peu plus long, mais on a terminé le cours de la Shafa'a. Et moi, je suis un peu... Je suis pas très en forme, donc, si on veut, en ce moment. Le prochain chapitre, c'est « Adabul Qabr Haqq wa Munkar wa Nakir Haqq ». C'est-à-dire, le châtiment de la tombe est véridique, est vérité, et Munkar et Nakir c'est, yani sont véridiques, c'est-à-dire c'est une réalité, c'est quelque chose de vrai. Et on va donc parler de ça au prochain cours, Inch'Allah, qu'est-ce qui a rapport avec le châtiment de la tombe. Et puis après, le prochain après, c'est Al-Kiram Al-Katibun, c'est-à-dire les anges qui écrivent les œuvres. Et na'am. Et puis après ça, Al-Ba'ath, Ba'd Al-Maut, la résurrection avant, après la mort, na'am. Wa Ahlul Kaba'ir fi Mashi'atillah. Donc il y a beaucoup de choses à voir encore, c'est pas fini. On avance, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.